jour avec les potes, on s'est dit tiens pour voir, on va faire un tour à la teuf de samedi soir. Trois caisses blindées de canettes remplies d'amitié s'engagent sur les chemins bien boueux, bien paumés. Après s'être égaré plus d'une fois, on pose les bagnoles à la lisière du bois. Le son lointain nous guide jusqu'à la foule de gens. Dans cette masse, y'en a plus d'un qui fout le camp. Coco et Rochampi, ecstasy. Ecstasy, champi, coco héros. Coco héros, champi, ecstasy. Ecstasy, champi, coco héros. Avant d'arriver tout près devant les enceintes, on cause à tout bout de champ tout en prenant notre pinte. On tripe, on tchatche, on trinque avec des inconnus. Plutôt relou les gars quand ils ont bu. Ils sont un peu artistes, un peu camés et paumés. Ils sont assez sympas, les toffeurs de la soirée. Où vont-ils avec leur camtar un peu voyageur? Font-ils de longs périples? Sont-ils un peu globe-trotteurs? Coco héros champi, ecstasy. Ecstasy champi, coco héros. Coco héros champi, ecstasy. Ecstasy champi, coco héros. Y'en a qui disent pour tréper faut prendre des cachetons. Y'en a qui répondent pourquoi pas, ça a l'air bon. Y'en a qui disent que les cachetons c'est la loterie. Tu tombes sur un bon, tu tombes sur un pourri. En une gorgée d'eau fraîche elle est très vite gobée. Cette pilule qui boostera les cœurs toute la soirée. Et les DJ en auront jusqu'au matin. Pour nourrir toutes ces dents serrées, ça c'est certain. Coco héros champi, ecstasy. Ecstasy champi, coco héros. Coco héros champi, ecstasy. Ecstasy champi, coco héros. On n'a plus d'alcool, faut se rafraîchir le gosier. J'espère qu'à la bagnole on n'a pas tout vidé. J'espère aussi que le frangin s'est pas enfermé dans la voiture, l'enflure, parce que j'ai pas les clés. C'est bon, le coffre est ouvert, il a de la veine. On va pouvoir emmener le reste des bouteilles pleines et faire la distribution aux assoiffés. On revient bredouille sur leur tour, on a tout sifflé. Coco héros champi, ecstasy. Ecstasy champi, coco héros. Coco héros champi, ecstasy. Ecstasy champi, coco héros. Au petit jour on se lève, on n'a pas bien dormi. Réveillé par les chasseurs et leurs coups de fusil. Nez bouché, bouche pâteuse et oreilles défoncées. Épis courbaturées jusqu'aux doigts de pied. Si les chasseurs se pointent, ils vont nous expulser. Un accident de chasse est si vite arrivé. Façon les chasseurs peuvent pas blairer les teufs. Réciproquement les teufs peuvent pas sniffer les chasses. N'empêche que bon, ils ont un point commun. Des deux côtés ils aiment les chiens. Des deux côtés ils aiment les chiens. Des deux côtés ils aiment les chiens. Coco et Rochampi, ecstasy. Ecstasy champi, coco héros. Coco héros champi, ecstasy. Ecstasy champi, coco héros. Coco héros champi, ecstasy. Ecstasy champi, coco héros. Coco héros champi, ecstasy. Ecstasy champi, coco héros.